flingue sur la tempe. Tout est si différent, surtout que son doigt s'engourdit sur la détente. Viens t'allonger sous le chêne, ne compte pas mais je t'aime. Comme le ciel se déchire là-haut sur les arbres, ne dis pas jusqu'au bout, on en donnera des coups, les poings serrés sur la pierre, un feu de Bengale sous la mer. Baise-moi, brûle-moi la peau de tes lèvres incandescentes, respire tout le vide de la chambre, stocke la vie encore un peu. Ne dis pas que peut-être demain nous ne verrons pas le jour. Que la nuit déploie ses ombres, garde-moi courir les plaines plus vite que la terre ne tourne.